7h46 ce minute, cette fois en compagnie de la journaliste scientifique Valérie Levé, qui anime en temps de pré-COVID, qui animait l'émission Futur Simple. Valérie, bonjour. Bonjour Caroline. Alors ce matin, on continue à parler de la COVID parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire scientifiquement parlant. Et bien qu'il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de maladies, ça entraîne d'autres problèmes de santé. Le coronavirus, on le sait, pour les personnes qui sont même pas infectées, on parle de problèmes, bien sûr, de santé mentale. Ça, c'est pas nécessairement visible, mais c'est très préoccupant et il faudrait pas l'oublier non plus. Là, on en parle encore, je pense, après, dans l'après-COVID. Oui, effectivement, parce que on a deux exemples quand même, deux autres coronavirus qui nous donnent du recul et qui nous donnent des signaux d'alerte en quelque sorte. Mm-hmm. Donc, ces deux coronavirus en question, c'est le SRAS en 2002 et le MERS, qui a touché le Moyen-Orient, donc on en a moins entendu parler, mais c'était en 2012 et il rôde toujours d'ailleurs. Et récemment, le 18 mai, il y a une étude qui est sortie dans la revue de Lancet. Et cette étude, en fait, c'est une revue de littérature, donc ça veut dire qu'elle a examiné l'ensemble des études portant sur les problèmes de santé mentale pendant et après le SRAS et le MERS pour en faire ressortir les tendances générales. Puis ces études ont été menées dans plusieurs pays. Il y en a eu au Canada, aux États-Unis, en Chine, au Japon, le Royaume-Uni, etc. Et elles ont suivi les problèmes de santé mentale pendant les épidémies, mais aussi, comme je disais, après et même jusqu'à 12 ans après l'épidémie. Ah ouais. Donc ça donne vraiment un bon portrait, quand même. Ouais. Ça nous indique aussi que les problèmes peuvent persister longtemps. Alors bien sûr, il y a eu des problèmes d'anxiété, de dépression pendant les épidémies, mais une fois l'épidémie passée, il y a un tiers des populations étudiées qui ont présenté des symptômes de stress post-traumatique. Mm-hmm. Et il y a eu 15% de ces personnes, des populations étudiées, qui ont présenté des symptômes de dépression et un autre 15% qui ont présenté des symptômes d'anxiété. Donc, c'est vraiment pas négligeable ces problèmes de santé mentale qui peuvent survenir après. Ouais. La pandémie. Oui, ben je fais une parenthèse pour dire que ma prochaine invitée va nous parler de l'après-Inc. Hein, justement, il y aura des petites et moyennes entreprises qui vont fermer. Ça aussi, on parle de 25% de petites et moyennes entreprises, ouais, qui vont fermer. Ça aussi, là, ça va susciter beaucoup d'anxiété, des dépressions. Exactement. Aussi. Alors, on va en parler dans quelques instants, mais d'un point de vue plus entrepreneurial. Mais effectivement, là, c'est juste... Ben, ça fait un lien. Oui, c'est pour faire un lien. Voilà, Valérie. Ouais. Alors, quand même, là, tu parlais de 15%. Un tiers des populations étudiées qui ont des symptômes post-traumatiques, c'est beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats semblables avec la COVID? On peut anticiper qu'il va y avoir des choses semblables. Ouais. Alors évidemment, on n'a pas encore le recul pour savoir à quoi ça va ressembler, mais il faut s'en préoccuper. D'autant plus que la COVID ajoute quand même une épaisse couche anxiogène supplémentaire par rapport au SRAS et au MERS. Parce que, à cause du confinement, rester enfermé, c'est pas heureux pour le mental, quand même. Mm-hmm, emprisonnement. On n'a pas vécu ça pendant le SRAS. À cause de l'ampleur de l'épidémie qui touche toute la planète, donc il y a vraiment des questionnements sur l'avenir de l'économie. Ouais. Justement, à cause de l'économie, de l'arrêt de l'économie qui entraîne une insécurité financière, donc t'en parlais avec mes entrepreneurs qui vont fermer, qui vont mettre la clé sous la porte, il y a quand même ces gens-là vont vivre une certaine angoisse, une certaine insécurité financière. Comment ça va se traduire? À cause du surmenage du personnel soignant, ces gens-là, non seulement ils sont exposés au virus, mais ils travaillent sans arrêt. À cause des nombreux décès dans les CHSLD, à cause des proches qui ne peuvent pas rendre visite à leur parenté malade et parfois mourante, c'est quand même dramatique. Oui. À cause des craintes de pénurie, quand c'est du papier toilette, c'est peut-être oui, pas trop grave, mais craintes de pénurie alimentaire, ça, ouais, peut être inquiétant pour certains. Et puis, on pourrait continuer la liste. Hein. Je suis sûre que tu pourrais rajouter des exemples. Chacun pourrait rajouter. Moi, dans le milieu culturel, là, je veux dire, ça va oui, faire des ravages. Et le milieu exactement, culturel et touristique, les milieux les plus touchés. J'allais dire, j'ai hâte de voir comment on va s'en sortir. Je ne sais pas si j'ai tant hâte, mais certainement que c'est très inquiétant. Puis là, écoute, Valérie, ce n'est pas le sujet de la chronique, mais le SRAS et le MERS ici. Le MERS, on était moins touchés au Québec. Là, non, j'ai, hein? Pas du tout. Puis le SRAS, j'ai pas de souvenir. souvenir de... Ça fait quelques années, mais j'ai pas un souvenir de quelque chose d'aussi violent, là. Hein? C'est ça, exactement. Alors, les chiffres que tu nous as donnés, ça risque peut-être d'être à tout le moins pareil ou un peu plus élevé. On verra. C'est ça. Quand on voit ce que le SRAS et le MERS ont donné, là, un tiers des personnes ou 15 %, ben là, on peut s'attendre à, je sais pas, à quelques, peut-être à des chiffres plus importants, considérant toute la couche d'angoisse qui tourne autour de la COVID, quand même. Oui, oui, on n'a qu'à écouter les informations, là, c'est assez intense. Ouais. Est-ce qu'il y a présentement des études qui se penchent sur les problèmes de santé mentale qui pourraient surgir, même en ce moment, là? Est-ce qu'on est capable d'avoir un focus sur ce qui se passe là, là? Ben, il y en a certainement plusieurs et entre autres, il y en a une à l'université de Sherbrooke. Donc, l'équipe a fait un sondage auprès de 600 personnes, 300 au Québec et 300 hors Québec. Et ils ont observé que un Canadien sur quatre souffre d'un trouble de stress post-traumatique, donc en ce moment même, et qu'un autre Canadien sur quatre souffre d'un trouble d'anxiété généralisé probable. Donc déjà pendant le confinement, pendant le déconfinement, on a quand même déjà un quart des Canadiens qui sont touchés. Mm-hmm. Fait intéressant aussi, ces troubles sont plus fréquents hors Québec qu'au Québec, selon cette étude. Il semblerait que les Québécois font davantage confiance en leurs autorités provinciales que les autres résidents des autres provinces. Et les Québécois seraient plus confiants d'avoir la bonne information pour bien comprendre la pandémie. Bon. En fait, cette étude, elle étudie en même temps l'influence de la communication dans les médias et des fausses nouvelles sur le stress que ça pourrait engendrer. Ouais, ben. Il y a peut-être comme un lien entre, bon, c'est sûr que si on est aussi exposé à des fausses nouvelles qui empirent les choses, qui me font des théories du complot dans tous les sens, peut-être que ça va en toucher certains qui vont vivre un stress encore plus important. Donc c'est intéressant, cette étude, ça va être à suivre. Mm-hmm. Dans la même veine, il y a aussi Charles Morin, qui est le directeur du Centre d'études des troubles du sommeil de l'Université Laval. Lui, il participe à une étude internationale sur l'insomnie durant la COVID. Donc, c'est une étude en cours, là, il n'y a pas forcément de résultats encore. Mais cette insomnie pourrait venir d'un bouleversement de la routine quotidienne, comme il le dit, parce qu'avec le télétravail, on n'a plus notre petite routine quotidienne. Clairement, ouais. Mais aussi, ça peut aussi venir d'une anxiété sous-jacente. Hein. Quand on a tous ces problèmes qui nous tournent en tête, le sommeil peut être plus dur à trouver. Ouais. Et le professeur Morin recrute d'ailleurs des volontaires pour son étude. Ah ben moi, je serais intéressée. Je fais pas d'insomnie, mais je fais des rêves étranges. Je sais pas, je dois pas être la seule, mais mes rêves sont teintés. Je sais pas, mon quotidien est plus le même. Hein. Fait que, donc, mes rêves sont... j'essaie de... Le téléphone, toi qui passe maintenant. Moi, je rêvais de téléphone. Oui, c'est ça. J'ai un téléphone au bras, collé au bras. Valérie, d'un point de vue plus sérieux, on dit que le quart des Canadiens concernés par donc des problèmes de santé mentale, c'est beaucoup, là, un quart. Il faudrait donc approfondir comment on peut venir en aide. Puis aussi, peut-être déterminer, voir en tout cas, est-ce qu'il y a des personnes plus à risque que d'autres? Oui, et là-dessus, en fait, j'ai trouvé des données intéressantes dans un autre article qui est écrit par des psychologues et psychiatres français, un article qu'ils ont écrit sur le site The Conversation. Eux, ils s'intéressent aux personnes qui sont déjà aux prises avec des problèmes de santé mentale et que la COVID pourrait donc exacerber. Donc, parce qu'il y a toutes les personnes qui habituellement n'ont pas de problème et d'un seul coup se retrouvent confrontées avec l'angoisse de la COVID et vont avoir des problèmes, mais il y a tous ceux qui ont déjà des problèmes de santé mentale, c'est que ça pourrait aggraver leur cas. Donc, par exemple, la crainte d'une pénurie alimentaire pourrait exacerber les troubles du comportement alimentaire, par exemple. Oui. Un autre exemple, c'est l'ennui, le confinement qui pourrait augmenter l'addiction aux jeux en ligne. Pour passer le temps, hein, on va les jouer en ligne. Et ça pourrait, je pense que c'est déjà, c'est ça, c'est pas juste au conditionnel. Oui, exactement. Donc, en France, l'autorité de la régulation des jeux en ligne a d'ailleurs émis un communiqué de mise en garde parce que le produit brut des jeux en ligne, et notamment du poker en ligne, a triplé pendant le confinement. Ouais. Donc, peut-être que c'est parce qu'il y a plus de personnes qui se sont mises à jouer, mais peut-être aussi que que les joueurs jouent davantage et deviennent dépendants. Oui, donc il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à surveiller. Pour la dépendance, est-ce qu'on a remarqué des choses par rapport à la dépendance aux drogues, aux stupéfiants? Parce que là, est-ce que ça peut être le même phénomène dans ce cas-là? Ben là, les psychologues et psychiatres auteurs de l'article craignent un peu un effet inverse, mais à l'issue tout aussi dramatique. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant le confinement, l'approvisionnement pour ces substances est devenu plus difficile. Donc, les personnes dépendantes vivent une sorte de sevrage, pas un sevrage complet, mais une sorte de sevrage. Alors, a priori, ça peut sembler une bonne chose, sauf que peut-être que ces personnes-là, ce sevrage n'était pas forcément voulu par ces personnes-là. Et à la sortie du confinement, quand l'approvisionnement redevient plus facile, elles vont vouloir consommer à nouveau et reprendre le niveau de consommation d'avant le confinement. Mais comme leur corps a été partiellement sevré, la consommation d'avant le confinement, ça devient une surdose. Avec forcément des problèmes de santé derrière. Coudonc, on s'en sortira pas. Faut pas dire ça. Non, soyons positifs. Peut-être qu'ils auront plus envie de consommer aussi, ces gens-là. Ah ben oui, mais à ce moment-là, il faut qu'ils aient un suivi. Ah oui. Et est-ce qu'il va y avoir justement, ça fait partie des problèmes, parce que les services d'aide pour les personnes dépendantes sont quand même restreints pendant le confinement, donc peut-être qu'il y en a qui vont profiter justement que c'est plus difficile de s'approvisionner pour commencer à se défaire de leur dépendance, mais il faut quand même qu'il y ait un suivi. Et s'il n'y a pas les services d'accompagnement pour les suivre, ça va être difficile. Et on comprend bien que les consultations par visioconférence, c'est pas forcément adapté pour ces personnes. Il y en a qui sont dans la rue, il y en a qui n'ont pas accès à un ordinateur. Donc, c'est un autre problème aussi. Bon, alors, tu parlais de surdose. Oui, s'il y a des surdoses, donc, il peut y avoir des... soyons pas négatifs, là, mais ça pourrait arriver, plus de décès. Alors, ce serait des décès qu'on pourrait lier indirectement à la COVID à ce moment-là. Exactement. Donc, autrement dit, on peut mourir de la COVID sans être infecté par le coronavirus. Oui, malheureusement. Donc, ce sera comme des décès collatéraux, là, qu'à un moment donné, il faudra peut-être compiler. Et parmi ces décès indirects de la COVID, il faut aussi ajouter les suicides. Et ce serait loin d'être négligeable. Mm-hmm. Parce que, on le disait, la COVID, ça peut accentuer les troubles d'anxiété et de dépression déjà préexistants et conduire au suicide. Mais la crise économique, les pertes d'emploi, donc c'est là que ça fait un lien avec l'interlocutrice suivante, ou ton interlocuteur suivant, je sais pas. Donc l'incertitude financière, tout ça, ça pourrait conduire au désespoir et au suicide de certains. Et aux États-Unis, la fondation Wellbeing Trust a sorti un rapport début mai qui fait une projection du nombre de suicides et de décès qui serait dû à la consommation de drogue et d'alcool. Et le nombre de suicides et de décès dus à la consommation de drogue et d'alcool. Mm-hmm. Et cette estimation arrive à 75 000 décès supplémentaires au cours des prochaines années. Oh. Oui, ça rajoute... on est aux États-Unis, disons. Mais bon, ça risque d'avoir des résonances ici aussi au Canada. Oui, c'est ça. C'était pour les États-Unis. Donc, puis ils ont quand même bien fait ça. J'ai regardé ce rapport-là. C'est quand même État par État, en tenant compte de la situation économique dans les États, etc. Donc, c'est quand même un travail sérieux qui a été fait. Et en Australie, l'Association médicale australienne craint aussi que la crise sanitaire, mais aussi économique et psychologique, augmente le nombre de suicides de 25% dans les prochaines années. Il va falloir vérifier, être vigilant et déployer des ressources d'accompagnement pour toutes sortes de personnes, les personnes qui sont en difficulté financière, les personnes, toutes sortes de personnes, pour éviter que finalement la COVID se transforme en épidémie de suicide. Ouais, il va falloir être bienveillant les uns avec les autres, être solidaire, le mot d'ordre. Exactement. Là, ça va se poursuivre même dans l'après-COVID. Valérie, merci beaucoup, puis je vais en parler aussi avec Annick Dessel, que tu connais peut-être, puisqu'elle est directrice générale de Septembre Éditeur, et c'est elle qui a écrit le livre L'après-Inct, avec plein d'auteurs également. On va en parler. Merci Valérie. Ça va être intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Bonne semaine. Au revoir. On se parle vendredi, en fait. Oui. OK, bye-bye.